chercher la boîte. Tu bouges pas d'ici comme sans talent. J'apprécie ce que vous faites pour moi, c'est sympa. Je voudrais juste m'en faire un dernier. Amenez-moi une dernière dose, s'il vous plaît. Je voudrais seulement m'en faire un dernier. Vous faites chier. J'ai volé tout l'argent de ma mère et répudié tous mes notre-père. J'ai gravé les tables de ma propre loi. Chacun des trous qui meurtrissent mes bras. J'ai craché dans les mains qui sont derrière moi. Refusant leur soutien seul, je porte ma croix. De toutes les choses que j'ai perdues, c'est mon esprit qui me manque le plus. La substance a quitté mon corps. J'en veux encore, j'en veux encore. Mon seul but est d'en trouver encore. Je me laisse laisser. J'ai les yeux et les tempes qui vont exploser.